son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Alors, il est 7h tout pile poil du matin. Bon lundi, on est le 4 avril aujourd'hui. Et couvrez-vous si vous n'êtes pas encore allé ou partir sur le boulot là, ça va cailler ce matin. Moins 1, moins 2 degrés pour les ressentis. Le soleil devrait faire son apparition tout au long de la journée. Ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, on vous souhaite un très bon lundi. Une belle semaine qui va démarrer en musique avec Jean-Jacques Goldman et la Bamba de Los Lobos. Bon réveil à tous. C'est Radio Arc-en-Ciel Orléans, 96.2 FM. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Loin de ses rêves, aussi loin qu'il est. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Votre réveil matin, c'est Francky. Necesita para el psiquiatra, a ver si engaña. Some Modern Session avec Aventura. Belle journée à vous, on est le 4 mars, c'est lundi, et c'est la reprise, hein. Aujourd'hui peut-être pour certains, et pas facile d'aller au boulot. La météo pour aujourd'hui, le ciel est couvert nuageux, en ce début de matinée, et il fait froid, bah oui. La météo. La météo pour ce matin, eh bien faites gaffe quand même sur la route, ça va glisser un petit peu. -1, -2 degrés ressentis du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou encore Pithiviers. Les températures vont grimper légèrement jusqu'à 11 à 12 degrés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du soleil aujourd'hui. Et profitez-en parce que cette semaine va être plutôt grisâtre et pluvieuse. Et je regarde le site de Météo France, ouais, ça va pas s'améliorer de la semaine. En tout cas, ça caille ce matin. Allez, le collant sous le pantalon à l'ancienne, c'est bien ça aussi. Lucenzo qui arrive avec Baila Morena, vous adorez sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée à Pascal qui vient de se connecter sur le 96.2 FM. Salut Francky, belle journée. Bah oui, on est là mon ami. Lucenzo dans moins de 3 minutes et on l'adore. On va essayer d'avoir le manager au téléphone tout à l'heure. Pisso Nabisso, vous adorez aussi. Avec du son caliente pour vous sortir du lit tout en douceur avec Pisso 21. Piso 21, OB on the drums, on the drums. OB on the drums. No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Nos dimos par de pico y no ha pasado nada, solo quería saber si te gustaba. Cuando te reías me encantaba, y yo como loco perdido en tu mirada. Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas, son cosas que no me esperaba. Sentí que yo te gustaba. Dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás. Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí. A mí. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Tienes la fórmula y la actividad, dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás. Fue ese cuerpazo y acércate más a mí. A mí. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, baby. sur Radio Arc-en-Ciel, piste 21 avec Terry, Terry, Terry. Ah, bandé à la planète, du son caliente. Tiens, je viens de voir que les négresses vertes seront bientôt en concert à Gien en 2022. Ça, c'est la bonne nouvelle. Un groupe qui a été créé en 87, hein, un groupe de rock alternatif français. Eh bien, bientôt à Gien, avec le titre notamment Voilà l'été qu'on écoutera tout à l'heure. Voilà le son de Lucenzo avec du son Baila Morena, Dame un beso. Ça y est, l'été va bientôt arriver. En tout cas, cette semaine, il gagnera un petit peu de la pluie, du soleil. Ça sera le programme de demain. Mais le réseau sous le sol n'est pas loin. Je vous le disais, ils seront bientôt en concert à Gien. Ça me fait plaisir, les anciens. Voici les négresses vertes. Voilà l'été. Belle journée. Bon courage à vous si vous allez bosser. Qui vous donne les abeilles, j'entends rougir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Le métro sucre devient plus brûlant dans ses souliers. J'aperçois le soleil, les nuages finissent de s'éclaircir. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages finissent de s'éclaircir. Et le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles, et les vieux sont ravis. Meilleur des souvenirs avec les Négrasières qui seront bientôt au concert à Gien. Voilà l'été, moi j'aimais bien, c'était Zobby la Mouche. 7h23, Zemmour qui s'était expulsé du Zidane Club 5, c'était ce week-end. Oh, bah, écoutez. Et on a joué, c'est chaud, hein. Donc on a pas le droit de jouer chez nous. Est-ce qu'on a le droit de jouer chez nous? Non, on vous a demandé de sortir. On vous a demandé de sortir. On n'a pas le droit de jouer chez vous, même si on peut en fait. Vous allez tout dire. Vous allez sortir. Allez, dehors. Allez, dehors. Dehors. Dehors, dehors. Pas dehors, c'est pas l'été. Et voilà, Zemmour interdit. Ah non, ils veulent pas lui chez Zidane. Belle journée, bon réveil sous le soleil de la radio. On vous souhaite un très très bon lundi, vous qui venez d'arriver sur le 96.2 FM. Un petit coucou à mon ami Soufiane qui nous écoute. Salut la famille. Oh, les fous, la folle. Allez là, Marwalade. Les fou d'aller travailler ce matin. Marwalade avec Olaf Fall. Je sais pas ce qu'a dit la gamine. Vous avez des nouvelles? Appelez-moi à 02 38 43 48 00. Couvrez-vous ce matin, ça s'appelle. Ah ouais, c'est comme ça, Kenji qu'on adore sur la Bruxelles 7h26. La reprise de Guillaume Grand, toi et moi, ce matin, on va au boulot. Sûr. Voici Kenji. Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les amours, rester encore, rester jusqu'à sans aller le corps, on serait juste toi. Là-bas on peut salir, là-bas on peut. On serait juste toi et moi. Mais d'ici ou là-bas, sans règle ni lien, sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel. Un plein de bouteilles qui remplit du vin, du miel. Ah, du rhum, du vin, du miel. Le matin, ça c'est rien de tel pour ça pas la grog. Ça fait du bien au, à la gorge. Francky dans la radio jusqu'à 9h. On est là pour vous réveiller tous les matins. Il y a Steph qui nous envoie un message. Il s'appelle ce matin, je suis à pied, je suis au taf, là je m'appelle. J'ai mis un bonnet à l'ancienne. Et à l'ancienne, du son, les années 2000 avec Edouard Moyen. Stay Roll Over. Belle journée, courage à vous pour le taf. ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. I'm gonna wet this, let's get reckless. Make this night be the best trip. If I'm a set list, cannot forget this. Just take this girl and flex this. Boom flick, for the pool and bless this. We not fret this girl, just let this energy come shock like electric. Ooh, why, ayo, baby, wind up, ayo. National party animal. Let me tell you about who this do this. Sean Paul avec Lucenzo Wind Up. Courage à vous, c'est vrai que la musique ça réchauffe. Hein, vous voyez, à travers le poste de la radio, là, on vous envoie du rayon sous le sol. Salut Edouard, connecté du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin, direction le pont de l'Europe, Francky pour aller taffer ce matin. Belle semaine et bonne journée à toi. Merci mon ami Bobby, Bob Sinclair qui est de retour. Le remix 2022, Love Generation.

Le ciel est couvert en ce début de matinée, mais le soleil devrait faire son apparition vers 10-11 heures. Voilà la bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise, c'est que demain, malheureusement, la pluie et les nuages reviennent, et ça pour quasiment toute la semaine. Les températures au jour sont négatives ce matin, moins 1, moins 2 degrés. Et on dépassera les quand même 11 à 12 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Grégoire qui arrive, c'est quand? C'est tout de suite. C'est quand tu viens, c'est quand tu passes, c'est quand tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens, on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. À tous, pas facile d'aller au taf, on est là pour vous donner le smile et la bonne humeur. Il est 8h, c'est l'horoscope. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope pour ce lundi 4 avril et on démarre ce matin avec les béliers. Faites attention à ne pas blesser un proche ou une proche. Les taureaux, aujourd'hui, rien n'ira vraiment dans votre vie amoureuse. Tout vous semblera confus et mélangé. Les gémeaux, un fort élan de passion se manifeste aujourd'hui. Mais dans une façon ou d'une autre, vos amours restent cachés. Les cancers, les disputes répétées et la mésentente au sein de votre couple laissent présager une situation qui devrait s'améliorer pour la fin de semaine. Ah, voilà une bonne idée pour les cancers. Les lions, pas de doute, vous avez un sixième sens quand il s'agit de faire plaisir à ceux que vous aimez. Les vierges, vous établirez un climat chaleureux dans votre foyer et vous renforcerez vos liens sentimentaux. Les balances, en couple, vous vous sentirez en confiance avec votre partenaire. Les scorpions, vous serez instinctivement protecteur envers votre partenaire aujourd'hui. Les sagittaires, il y aura des tensions dans votre relation amoureuse. Vous devrez jouer carte sur table. Les capricornes, cela fait des mois que cela dure. Vous dansez d'un pied sur l'autre sans parvenir à vous décider. Les verseaux, vous rêverez d'horizons nouveaux. Vous avez l'occasion de vous faire des amis aujourd'hui. Alors profitez-en. Les poissons, pour terminer, célibataires, ne compromettez pas vos chances en forçant tête blessée. Tête baissée. Mais ouais, doucement les poissons. Ne foncez pas trop vite ce matin. 8h02 avec Estelle qui nous envoie un petit message. Salut Francky, belle journée, bon réveil. Moi je suis déjà au boulot depuis 5h du matin. Bah ouais, il y en a qui bossent de bonne heure. Du son qui arrive. 7h. Janet Jackson. 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-ciel. Avec le meilleur des souvenirs, la petite Janet Jackson. Together again. 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. C'était dans les années 2000, ça, ça nous rappelle des bons moments. Les Bordelais avec Jimmy Ayaman, ou à 8h09. Elisabeth qui va bosser ce matin à Saint-Jean-de-la-Ruel. Courage à toi. Bah ouais, courage à vous. Le lundi, c'est pas facile. En plus, aujourd'hui, vous avez vu, hein, ça caille. Donc, couvrez-vous. Le soleil devrait faire son apparition dans l'après-midi. Et demain, on remet ça. De la pluie, malheureusement. Eh ouais, mais bon, on est là pour vous donner le smile et la bonne humeur et la force d'aller au boulot avec Jimmy Cassel, Kay Figo, Kay Nilele. J'ai envie de te voir réveiller. Sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. C'est le soleil plus grand de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air joué comme ma princesse. Le sable doré, ton corps enlacé. Ils sont venus sur une plage étoilée.

7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Ça me fait rappeler les souvenirs 8 ans, 26. Le remix de Camaro, Femme Like You. Coucou à Steph qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bray. Pascalou qui va au taf ce matin. Et ouais, ça y est, faut y aller, hein, la famille. Et puis, bonjour à Elodie aussi qui est connecté du côté d'Olivet. Belle journée sous le gel aujourd'hui. Ça caille un petit peu, mais le soleil commence à faire son apparition. C'est vrai que pour les bourgeons, tout ça, c'est pas terrible le gel, hein. J'espère que ça va s'améliorer pour les agriculteurs. Voici Jill Rodriguez qu'on avait reçu à la radio. Hein, on l'adore. La nova historia. Siento los latidos de tu corazón y la suavidad de tu piel. Quiero tu cuerpo que me vuelve loco y no me puedo controlar. Estoy esperando de todo tu amor. Solo tienes que escuchar en la camita encender un fuego y quemar en tus ojos. Tener placer hasta tocar el cielo. Nadie será tanta como yo. Mi mano en tu pelo, besar tu boquita, con la belleza de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme, solo mirarte hasta el final. Favorita, mi favorita, si no me quieres ni menta. Sin ti no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa, eres mía. Mi amor, es el momento de decirte que ya no puedo. Mirar las ondas de tu cuerpo. Necesito en todos momentos, morenita. Cuando te veo, je toque tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Cuando te veo, je toque tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Mi querida mía, solo tú y yo, en Francia y para toda la América Latina. De México hasta Colombia. Baila, baila. Chiro. En la camita encender un fuego y quemar en tus ojos. Tener placer hasta tocar el cielo. Nadie será tanta como yo. Mi mano en tu pelo, mi pelo quita. Contengo la belleza de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme. Solo mirarte hasta el final. Por si no me quieres, dímelo. Si aquí no puedo vivir, tú me matas. Esto que el amor significa, eres mía. Mi amor, es el momento de decirte que ya no puedo. Mirar las ondas de tu cuerpo. Te necesito en todos momentos. Morenita, morenita. Cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Radio Arc-en-Ciel, la nueva historia. Belle journée, courage à vous si vous allez au taf ce matin. Et je vais vous dire un truc comme quoi le ciel est bien surveillé en France parce que il y a un avion qui a été intercepté, c'était entre Toulon et Nice, c'était ce week-end. Un petit avion qui se baladait, il répondait pas aux appels radio, du coup ça a forcé un décollage d'un Mirage 2000 qui s'est rendu à son niveau et qui l'a forcé à atterrir au prochain aéroport. Voilà, comme quoi on est bien surveillé. Mais là, vous adorez sur la radio Arc-en-Ciel, la meilleure de la musique à 8h30, minute du Brésil, de Gaulle. Você na Ilha do Sol. Plaza do Brasil. 8h34 minutes, c'est Frankie dans la radio. En vous souhaitant une très très belle journée. Et ceci. Quelle reprise de Elvis Crespo, et on adore sur la radio couleur. On l'adore aussi, Lorlan et Pepelos, Els Angels, il arrive et on l'adore sur Radio Arc-en-Ciel. Un clip qui a été tourné en Turquie, un superbe clip que je vous invite à aller revoir rapidement. Bonjour à toute l'équipe de Laetitia qui nous écoute dans le bureau ce matin. Salut Francky, on passe une agréable journée avec toi. Merci Pepelos, Lorlan et c'est Els Angels, c'est Pepe. Je prendrai soin des miens. Jusqu'à tête, je rappe mon quotidien. Les nègres en Turquie en esgue sont furtifs. Comme mes sourciens. Adam aime le bif, non y'a pas d'alternative. LS, hein? Jusqu'à tête, calé. Els Angels, Els Angels. Tu en Harley, je crains personne. Bientôt je vais m'en aller. Comme Harley ou comme Elsa. L'impression d'être maudit, voir ma vie en rediff. La poisse colle à la peau. J'ai dû faire la diff, j'étais à la pour la mif. Comme ma go, perdait les os. Juste condamné avant du shit, faire du bif. Du chiffre dans le narco. Tout petit m'assassit, tout t'es qui m'a titoyé, vive à classique. Roule Veteros, Ravas, West Coast, 2000 ballots. Une pensée au poteau condamné au petit rêve en mandat de dépôt. J'ai fréquenté des half-lits, les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. La liberté n'a pas pris autant qu'une vacarme. Je demande à Jaco. Mauvais œil, jalousie, ces négros avancent pas. Te mets des embargos. La vie c'est un sourcil, des soucis, la faucheuse erre sur une moto. Reste une écho, attendre le faux pas pour nous mettre de déco. Le scorpion dans le cargo, la coco à gogo. On passe des radeaux. Tu partages nos sons pour nous donner la force, pour nous approcher. Destiné à briller, degré ou de force, prenant fâché. Els Angels, Els Angels, Els Angels, Els Angels. On crée des liens jusqu'à tête. Je prendrai soin des miens jusqu'à tête. Je rappe mon quotidien. Les nègres en Turquie en est-ce que sont furtifs. Comme mes sourciens. Adam aime le bif, non y'a pas d'alternative. Hein? Jusqu'à tête, calé. Els Angels, Els Angels. Je crains difficile. Tout paraît futile. Tout paraît petit. La plus grande richesse, c'est la modestie. On se plaint de quoi? Au fond, on manque de quoi? Pour tous les mal que je t'ai fait. Maman, pardonne-moi. Plus tu me suis, plus je te fuis. Plus je te suis, plus tu me fuis. Rien n'est clair, mais tout est fluide. Hells Angels, tout est dit. Y'a que Dieu qui t'a dit. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. La bande originale d'un film, je crois que c'est 9 semaines et demie, je suis pas sûr. You can leave your Alan, c'est Joe Cooker. Redescends avec vous, c'est Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h. Jean-Pierre qui arrive dans moins de 15 minutes. Et cette reprise d'Amir, longtemps, version Zouk que vous adorez. Bon, j'avoue, si vous allez au taf ce matin, ça caille, hein, couvrez-vous. Tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et ta main me prend. une petite balade comme ça, une petite balade zouk. Fait du bien, on se rendrait dans une île, sur une île, tu sais, avec le cocktail. Salut Jean-Pierre. Salut Francky. Non mais cette version, elle est bien, hein, cette version. Je la connaissais pas. Ah, tu connaissais pas? Non. Pas souvent dans ton émission, elle est sympatoche. Hein, non, c'est vrai qu'elle est bien. C'est Amir, il a fait un slow longtemps, bah là ça a été repris par un DJ. Voilà, sympa le mec, hein, ce qu'il fait. Ouais, c'est sympa. La voix féminine est très bien d'ailleurs. C'est un peu accéléré quand même. Mais tu peux zouker là-dessus, c'est bon. Ah, vous pouvez zouker dès le matin, dès le matin dans la bagnole, vous pouvez commencer à zouker, hein, après avoir zouké tout le week-end en boîte peut-être. C'est bien, ça. Vous remettez ça le lundi matin avec nous. En tout cas, vous êtes là, 8h47. Jean-Pierre, en avance ce matin, dis donc. Tombé du lit. Oh, tombé du lit à cette heure-là, non. Mais après, faut être là, on avance quand même. Ah ouais, moi j'aime bien, Raymond. Moi j'arrive à 6h30, moi, à la radio. Hein. Voilà, tu vois, moi j'arrive, allez, 8h30-20, donc c'est non, ça va. Après, ça permet aussi le temps qu'on discute, nous, on discute un petit peu. On rencontre notre vie, hein. Voilà, exactement. On casse tout le monde et... Ah, c'est de l'humour, allez pas le prendre au premier degré, hein, bien sûr. On aime tout le monde ici. Hein. Ouais, mais enfin, on taille tout le monde quand même. Ah ouais, ça taille du short. Il y en a beaucoup qui ont les oreilles qui sifflent le matin dans les... sur les chantiers, tout ça. On les salue, toutes ces personnes qu'on adore. Et surtout de bosser à l'extérieur pendant ce temps-là. Ah, ça caille, ce temps-là. Et ce matin, là, ça s'appelle, hein, -1, -2, là. Et ça glissate, sur la route. Et il a annoncé, je crois, de la pluie dès demain. Ah, putain, hein, pardon, ouais. Ah, la vache. Ah, j'ai vu la semaine Météo France, là. C'est ça. Je veux pas vous pourrir la semaine, hein. Sérieux, mais, elle va pas être terrible. Alors, quand tu dis, il y a une semaine en arrière, on était en t-shirt. Ouais, j'ai sorti la piscine, moi. J'ai pas de piscine, mais j'ai fait style. J'ai mis une photo sur Facebook comme quoi j'avais une piscine, mais c'est des conneries. Hein. Et du coup, t'as tout rangé, quoi. Même pas toujours. Non, on a un truc chauffant, là. Je sais plus comment ça s'appelle, un hammam, un sauna. Un sauna? Non, un truc, on tient à plusieurs dedans, là. Ah, bah, c'est un jacuzzi. Un jacuzzi, ouais. Ah ouais, il y a ça. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Avec les bulles et tout. Hein. Exactement. Ouais. Comme ça, quand tu pètes dedans, on voit pas. Ouais, et c'est ce que j'allais te dire. C'est ça qui est bien. Dès le matin, on vous donne la bonne humeur avec Jean-Pierre qui démarre dans moins de 15 minutes vers matin. Ça y est, c'est parti. Du job. Des trucs à vendre. Alors, beaucoup d'offres d'emploi. Ah, alors, dans quoi? Dans la peinture, ouais, dans la maçonnerie, peinture, maçonnerie. Mmh. Ravalement, non? Oui, le ravalement également, je merci. Plomberie, non? Non, mais ça va venir. On a un peu mis le portugais, c'est pour ça. On les salue. Non, ça va venir. Tous les Portugais, on les salue, tout Portugais. Voilà, sachez qu'il y a du boulot. Eh ouais, voilà. Les feignasses là qui sont la baraque là, qui ça se trouve là t'as du peinture, regarde, on va créer des problèmes. T'as imagine le couple, hein, la femme elle écoute la radio, il y a le mari qui est peintre, ça fait trois mois qu'il est dans le canapé, hein, je trouve pas de travail. Il y en a à la radio. Eh, tu viens de lui ressortir ça, je peux te dire que la gonzesse, ils vont t'appeler aujourd'hui et elle va lui dire tu fonces à la radio, tu vas chercher les coordonnées et tu vas te mettre au boulot, mon gars. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Ah ça c'est bien. Alors c'est ça que c'est bon. Voilà, je vous le dis tout de suite, il y a du boulot ce matin avec Jean-Pierre. Si vous savez pas quoi faire en ce moment, être peintre, c'est facile la peinture, non? Ouais. Ça va? Ouais. Ouais. Un droit, quoi. C'est ça. Ah, moi, je connais un peintre, je vais te dire, je t'explique pas. Je vais pas le balancer à l'antenne, mais, la vache. Il peint les fenêtres. Ah, non, il peint pas autour, il peint devant. Ah, merde. Oh, pardon. Il protège, il fait l'inverse. Bon, puis les disques à la demande, ça, c'est connu depuis 40 ans. Ouais, hein, c'est ça. Voilà. On appelle, on demande le titre qu'on veut. Et ça passe à l'antenne. Et ça passe à l'antenne, c'est ça que c'est bon, hein, c'est le matin. Ça. Voilà, donc un beau rendez-vous. Donc d'autres choses ce matin? Non, ce sont déjà pas mal. Des messages? Ouais. Après, juste souhaiter à ceux qui sont à l'écoute là et qui t'écoutent depuis 7h du mat. Ouais, réveillez-vous. Que c'est une bonne chose déjà qu'ils écoutent toute la semaine de 7 à 9. Ouais, parce qu'il faut se lever, je me dis, c'est dur. Oh la vache, c'est crevé un jour. Et en fin de compte, qu'ils fassent attention à eux, qu'ils prennent soin d'eux et puis. Voilà, des belles choses. Et puis voilà, dès qu'il y a un truc qui va pas, faut aller consulter. Alors, voilà, c'est ça, aller consulter Docteur Lebeau. C'est mon et là, il est pas loin. Il est Faubourg-Bannier, là, il est au bout de la route, là. Et il t'écoute le Ah, des fois, il écoute, des fois. Hein. Mais il arrive pas à tourner la station, tu sais, c'est un poste à l'ancienne qu'il a. Mince. C'est un ancien, tu sais, avec le bouton, là. Il cherche entre deux fréquences, là. Et moi, ça va, il m'écoute, des fois. Ouais. On le salue au passage, Docteur Lebeau. Voilà. Allez, Jean-Pierre, il arrive dans quelques minutes. Ça marche. La camisa negra. Ah bah voilà, c'est la musique de Portugal. Non, l'Espagne, c'est l'Espagne ça. L'Espagne. Allez, Espagne, olé.